ciel d'une fille et d'un garçon. Et sur tous les océans, jusqu'à l'autre bout du monde, des îles et des ailes pour voyager. Quand le monde entier décolle, l'amour prend son envol. Partir, même s'il faut s'aimer sans rien se dire, rien ne peut. Et ce feu dans